ma résurrection, entre dans la direction. Prends ça bien ma gueule. Pacard, tu souffres. Rouge, test pour route. Tu connais la famille. Le secret me garda à la rédaction rouge. Rouge, tu veux savoir pourquoi ça crame? C'est nos crânes qu'on incarcère, on incarne au carnage, car l'État nous canne au carcère. Derrière ta webcam, tu restes calme, rescapé de la misère, juge le ghetto sans y faire escale. Ma tête scale, ma tête est wanted, aucun muslim n'est pardonné, moi j'ai pas cartonné le World Trade. Mais en scred, je sens les amalgames, madame me mate comme un macaque sur le macadam. Un putain de ramdam, comment rester neutre? La France découvrait la banlieue le jour des émeutes. L'amour est aveugle, mais la haine me yeux. Tiens, un gars m'a dit, nous avec tes rap, t'es mon thérapeute. On se dérape plus. La colombe est enterrée, mais j'écris encore avec sa plume. N'oubliez plus que les racailles ont un cœur. Certains sont des vainqueurs. Boycotté au journal de 20h. Peur de mon rap, on veut l'inculper. Mais mes délits sont plus rares que ce Chirac ou d'Alain Juppé. On nous a dupés, comme d'habitude. Mais qui veut me buter parce que mon album s'appelle Négritude? Insurrection, Youssoufa, Bakar, Despon. Viens torer la pression, connard. J'suis pas sorti du fond de ma rhum pour être vautien. J'ai de l'osé à faire, c'est trop speed, connard. T'as voulu nous duper comme d'habitude. Tu veux me buter parce que mon album s'appelle Négritude, connard. Bakar, Youssoufa, Despo. On a le mort et la niaque, je dois leur dire. Je connais Rocky pour sa niaque, son seum, ses paroles d'art. Sur les potes à Christophe Colomb, j'ai le mort. On brasse mon cul, suis-moi dans ma mentale. Tu vas comprendre, Boulos. Pas un mort, c'est du lourd. Mets-toi bien, pas d'impose pour les sauvageons. Ah ouais, autant que j'en fasse des croates sur les photos de mes CV PD. J'essaie d'être le meilleur en moi possible. Vas-y, bloque-moi pas la route. Dis-leur Sarkozy, comme tout ce qu'ils disent aux 20h. Vote et fail sur ce, ça m'empêchera pas de chier soir ce. J'fuis toutes les fouilles des polices comme une insulte. Une déclaration de guerre à la bouche. C'est bonnard, j'vois le délire. Okay. Elle est toujours valable, ma carte de séjour, connard. Maman est grincheuse, j'ai peine à lui dire qu'un bac plus 22, ça aurait pas changé grand chose. J'suis le compte à quinté des temps modernes, j'ai quitté mon bled. Niqué par les Belges, j'donnerai pas mon terche. Des faces comme masse, j'en ai plein des lourds. Insurgé du canal de l'Ourcq. Insurrection, Youssoufa, Bakar, Despo. Viens torer la pression, connard. J'suis pas sorti du fond de ma rhum pour être vautien. J'ai de l'osé à faire, c'est trop speed, connard. T'as voulu nous duper comme d'habitude. Tu veux buter parce que mon album s'appelle Négritude, connard. Bakar, Youssoufa, Despo. On a le mort et la niaque, j'vois leur dire, connard. Hey, hey, Jay-Z, Marco, Fer, tous en quête de la Yaska. Tu connais le game, c'est le meilleur qui dira ça. Mais lequel, laisse-moi juste de plier ça. J'ai la soif de percer, garde la pêche, réinvestis tes billets sales. En 2006, DMC, je vais tellement fumer. Faudra des patchs de nicotine, une corde pour la concurrence. Après ce couplet, croquin, j'ai pas ton gun. Tu fais mon buzz, t'auras mon punch. Lyrique à l'homicide, ce soir, ranger les outils de gangsta. On donne sans famille et mat au Molstar. On a les clés de la réussite, à nous de les mettre dans la bonne serrure. Et la colère, ça marque le sourire. J'ai des valeurs à défendre, les humains font fleurir ma méfiance. Ceux qui ont pas de principe, ils croisent les jambes. Muslim avec le mort, j'ai la dalle du village. On fait des fautes d'écriture et on emmerde les modes. Que l'amitié aille se faire voir, elle donne son derche à l'oseille. Je mélange le passé avec un molard. Ma bravoure, c'est mon iPad, fait tourner ses PAK à notre âge. Il est mauvais de mélanger du whisky à sa paranoïa. Connard. Insurrection, Youssoufa, Bakar, Despo. Viens torer la pression, connard. J'suis pas sorti du fond de ma rhum pour être vautien. J'ai de l'osé à faire, c'est trop speed, connard. T'as voulu nous duper comme d'habitude. Tu veux me buter parce que mon album s'appelle Négritude, connard. Bakar, Youssoufa, Despo. On a le mort et la niaque, j'vois leur dire, connard. Ciao, 28.